Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite. Or, par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun d'entre vous, que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun réciproquement les membres l'un de l'autre. Or, ayant des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisons selon l'analogie de la foi, soit de ministère, appliquons-nous au ministère, soit que quelqu'un soit appelé à enseigner, qu'il enseigne, soit que quelqu'un se trouve appelé à exhorter, qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qu'il le fasse en simplicité, soit que quelqu'un préside, qu'il le fasse soigneusement, soit que quelqu'un exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Que la charité soit sincère. Ayez en horreur le mal, vous tenant collé au bien, étant porté par la charité fraternelle à vous aimer mutuellement, vous prévenant l'un l'autre par honneur. N'étant point paresseux à vous employer pour autrui, étant fervent d'esprit, servant le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Prenant part aux nécessités des saints, exerçant l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez-les, et ne les maudissez point. Soyez en joie avec ceux qui sont en joie, et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant un même sentiment les uns envers les autres, n'affectant point des choses hautes, mais vous accommodant aux choses basses. Ne soyez point sage à votre propre jugement, ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. S'il se peut faire, et autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi appartient la vengeance, je le rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela tu lui assembleras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois point surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »